Même si elle est timide, ouais. Le manque d'euros peut envoyer n'importe laquelle nos soeurs ou cousines dans les films. C'est pas qu'une phrase choc, c'est pas de la fiction, c'est vrai. Hommes et femmes en galère, check. Peuvent partir en couille mon frère. Je l'ai vérifié dans ma famille, avant de regarder les news. La Banque de France a kidnappé l'amour. Un convoyeur de fonds de chez Brinks peut perdre 20 kilos en un mois. Son fourgon peut devenir sa tombe, c'est normal. Plus de sexe avec sa femme, il stresse. Tous les soirs il sait que le chômage peut faire craquer une bande de jeunes. Alors où tu m'écoutes en Seine-Saint-Denis, un carjacking. Ton actrice préférée se met le smic dans le nez. Maman, je veux bien me fiancer, mais ça me dit rien. Le jour où je suis en chien, qu'elle me trouve une grosse feinte pour s'arracher. Au taf, dès qu'on veut me traiter comme un esclave, je m'énerve vieux. L'oseille c'est bien, mais la fierté c'est mieux. Tu vas croire je suis dingue, mais tous les jours je me tape pas. Plus aimer mes proches que mes poches. Tu crois le pire, c'est que c'est pas souvent réciproque. Et comme je suis rancunier, mauvaise ambiance mon pote. Nos pères balaient leur métro pour des payes de malheureux. Ils ont des appartes à 14 000 euros. Ma gueule, on les emmerde. Les grossistes de cannabis, on mérite de pas trop caler. Parce que tu t'appelles Mohamed. Désolé car la thune est devenue l'axe. Désolé son manque nous a souillé l'âme. En Dieu nous croyons mais l'oseille est le boss mec. Désolé ici on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Parce que l'éphémère est devenue l'axe. Désolé son manque nous a souillé l'âme. En Dieu nous croyons mais l'oseille est le boss mec. Désolé ici on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Les émissions sur la jet set motivent les braqueurs. Je peux pas parler de la dernière paire d'Air Max à un amputé de guerre. Ma relation avec la monnaie, c'est la même qu'avec Vivica Fox. Je la kiffe, mais veut toujours pas, je la plotte. T'as tout et tout, t'as rien. C'est la même pour tous les terriens, range tes rêves. Donne-moi un 4x4, toi règle avec des bêtes de jambes. Ma meuf du moment, je la balance dans la cuve des chiottes. Je suis trop macho, je me branle trop pour que tu me pigeonnes grâce au cul. Bouche à l'homme, c'est mort. Combien tu veux d'euros? Combien de Chinois et d'Africains se font tourner leurs papiers pour palper? Ma gueule, tu viens signer en major, c'est vrai. Moi, je te demande pas de rester pauvre, mais rester vrai, man. A tous les gars de toutes les races qui vont prendre ce satané oseille. Cette année, cent années. Désolé car la thune est devenue l'axe. Désolé son manque nous a souillé l'âme. En Dieu nous croyons mais l'oseille est le boss mec. Désolé ici on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Parce que l'éphémère est devenue l'axe. Désolé son manque nous a souillé l'âme. En Dieu nous croyons mais l'oseille est le boss mec. Désolé ici on vit pas d'amour et d'eau fraîche.